dans les stories. On fait plus dans les stories, on fait que baisser les stars. C'est vrai que le match est horrible, qui tout bien je crie Nectar. On a trop fait les cons, soum soum si on doit mettre en paix. Ton match est serré les pompes, eh. Bientôt t'auras plus besoin d'en mettre. C'est DIM l'ancien, je respire comme produit dans le sachet. Patate lyrical, si tu goûtes, tu te niques la dent de sagesse. Aïe aïe, si c'est de la zig, bouge cap sans classique. On dira jamais tout ici, depuis Catherine je fais toujours de la zip. Ah y'a pas de galère mon rêve, ça a changé depuis les billets. Ça me donne faim, on va tout raser, y'aura plus rien à épiler. Fais-moi voir un peu, je fais le double, elle crie fort, je fais le sourd. Je rentre en boîte, c'est VIP, si t'es mineur, fais ton tour. C'est comme ça ma chérie, je suis débordé, tu veux que je te réponde. Je t'en tiens derrière le bif, de calculer, donne-moi la raison. Bim bam, tu es Dracula, c'est crapuleux, toujours en couloir. Je finis les dragibus, je retourne vider la taille au boulot. Eh, et quand je remonte les stores, c'est là que je regarde leur story. La charge d'une scène hardcore, et on dit même pas sorry. Eh, y'a que du sale que je vomis, des photos de moi la précision. Je perds du confet, viser le mine. Ça me dit certé que la précision. Tic tac, au fond ma place, je crois que c'était moi l'incompétent. Bim bam, ça garde la classe, droite, ça reste incompété. On fait pavé de shit, on fait boulette de C. Si tu fais pas de spice bar, et on trouve pas sa chouette de suck. C'est moi qui gère la rime, l'ossa, je vous viole dans un mini Cooper. Si si pour ton dernier morceau, mais ça reste un menu copieux. Tic tac, le SS perd la tête, des villes c'est camouflé. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher. Hein? CML, 0 pécho. 08 quand tu pèses, il te reste plus qu'à te moucher.